Assis sur le toit du monde, je regarde passer le temps. La pluie qui tombe, la ville qui gronde, les jours sont longs, les années sont si courtes. Quand vidé de tout sentiment, il m'arrive de goûter l'amour. J'y crois très fort un court moment, puis j'oublie tout quand vient le jour. Quelle importance est ça la danse, faut savoir s'immiscer dans le cercle, garder ses peurs et ses transes et tourner, tourner jusqu'à la fin. Un jour j'arrêterai le cours du temps, je ferai abstraction des événements, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien à faire sinon se taire. Passer le temps, la pluie qui tombe, la ville qui gronde, les jours sont longs, les années sont.